Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter La nuit des étoiles filantes, le premier épisode de la saison 2 d'Un été incroyable. Bonne écoute. J'attendais cette soirée avec plus d'impatience que Noël. Et à voir les visages d'Arthur et Lana, j'étais pas le seul. Il était à peine 19h et on était déjà allongés sur nos couvertures dans le jardin de mamie alors qu'il faisait encore jour. Car ce soir-là, c'était la nuit la plus folle de l'été, celle des étoiles filantes. Imaginez que des corps célestes parcourent des distances astronomiques pour nous offrir le plus incroyable spectacle me donnait des frissons. Vous connaissez l'origine des étoiles filantes ? Ce sont des météores qui se consument en entrant dans l'atmosphère. Pas du tout. En réalité, ça date d'il y a très longtemps. La Terre était amoureuse d'une planète. Elle vivait une histoire magnifique qui rendait tous les corps célestes heureux. Mais le maître de l'univers, jaloux comme un pou, décida de les séparer. Mais c'est horrible, il n'a pas le droit. Techniquement si, c'est quand même le maître de l'univers. Résultat, les deux amoureuses furent expédiées dans deux galaxies complètement opposées, séparées par des milliards d'années-lumière. Et c'est quoi le lien avec les étoiles filantes alors ? Bah j'y viens ! Attristées par leur sort, les étoiles se mirent en tête de les aider. Comment ? En devenant leurs messagères. Grâce aux étoiles, les deux planètes peuvent s'envoyer des lettres et des mots doux. Et à chaque fois qu'on voit une étoile filante, c'est un signe que la Terre reçoit une lettre de son amoureuse. Je savais bien que c'était qu'une légende, mais celle-là, j'aurais bien voulu qu'elle soit vraie tellement elle était belle. Le soleil commençait à décliner quand un vent violent balaya le jardin. De gros nuages gris foncés remplirent le ciel. En un rien de temps, il faisait nuit noire et un froid de canard. Non, le spectacle va être gâché. Clairement, on n'est pas prêt de voir quelque chose. Peut-être qu'ils ne font que passer. Ces nuages-là étaient du genre à rester et à lâcher pluie et éclairs. Ma soirée préférée était ruinée. Dépité, on est rentré dans la maison. Mamie préparait un gâteau. En nous voyant, elle regarda par la fenêtre, posa ses ustensiles, puis vint nous voir. Ah, c'est pas de chance, les enfants, mais j'ai peut-être une solution. À moins de contrôler la météo, je vois pas bien ce que tu peux faire. Alors, je ne contrôle pas la météo, mais je connais le Mont Venteux. Mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Et comment ça va régler notre souci ? Il culmine à 1909 mètres, et son sommet est toujours balayé par les vents, si bien que les nuages ne peuvent jamais s'y accrocher et que le ciel est toujours dégagé. T'es génial, mamie ! Sauf que le temps qu'on arrive, il fera nuit noire. On arrivera au meilleur moment ! Si on arrive au sommet ? On se parle pas de grimper une colline, mais d'une ascension de 1909 mètres par un temps super pourri. La nuit des étoiles n'est pas ta super soirée préférée de l'année? Bah si. Alors, c'est pas une route de montagne qui va t'arrêter. 5 minutes plus tard, on avait terminé nos préparatifs. On s'est alignés, tous les trois devant mamie, qui passa nos paquetages en revue comme un colonel l'aurait fait avec ses troupes. Duvet, c'est bon. Lampe torche? C'est bon. Tente, c'est bon. Chocolat? Chocolat ? Tenez, ça c'est moi qui vous l'offre. Bon, tout me semble en ordre. Vous êtes parés. Dépêchez-vous et profitez bien. Je vous attends demain pour le petit déjeuner. On embrassa mamie et on se mit en route. Arthur pédalait en tête. Malgré les nuages menaçants, la balade était agréable et seul le réveil des chouettes soulignait le silence profond de la vallée de notre tendre et nostalgique. Au détour d'un virage, les arbres s'effacèrent pour laisser place à une silhouette colossale. Impressionnés, on posa tous un pied à terre. C'est ça le Mont Venteux ? En pierre et en terre. Mais il est gigantesque. Ouais, hein, il y a plein de cyclistes qui viennent relever le défi. Et tu l'as déjà fait ? Jamais ! Mais on va jamais y arriver. Oh, tu le sauras qu'en essayant. Et puis, on est là. On entama l'ascension alors que la nuit tombait. Arthur ouvrait la marche. Lana, pleine d'entrain, le talonnait. J'étais nettement moins enthousiaste, mais hors de question de rester à la traîne. Le Mont Venteux portait bien son nom. Même en bas, le vent s'en donnait à cœur joie. Pour le contrer, on se colla les uns derrière les autres, tels des cyclistes professionnels. On se relayait pour soulager celui qui était en tête de peloton et qui affrontait les bourrasques pour protéger les deux autres. C'était vraiment une super technique. Mais le vent semblait avoir compris notre manège et il se mit à souffler dans tous les sens. Pire, plus on grimpait, plus ses rafales étaient violentes. La sortie de route pouvait arriver après chaque coup de pédale. Mais il ne fallait pas lâcher et surtout ne pas poser un pied à terre, sinon impossible de repartir. Lana était devant. Elle pédalait de toutes ses forces, la tête rentrée dans les épaules. Derrière elle, Arthur était en danseuse, l'air concentré. Moi, je n'en menais pas large. J'étais à bout de souffle et les mollets en feu, sans compter que le vent me faisait pleurer. Ce que je redoutais se produisit. Lana s'arrêta et nous avec. Qu'est-ce qui t'arrive ? Un bout de verre s'est planté dans ma roue. Un bout de verre, ici. Non mais, dis-moi que je rêve. Tu rêves pas ? On a de quoi réparer ça ? Bah non, forcément, on n'a rien. Juste une pauvre pompe. On va finir à pied. Il a une idée ? Arthur sortit un chewing-gum. Tout en démontant la roue de Lana, il le mastiqua avec entrain. Il repéra le trou dans la chambre à air, mâchouilla une dernière fois et colmata la crevaison. Il remonta le tout, puis redoubla d'efforts pour regonfler le pneu avec la mini-pompe qu'on avait à disposition. T'es vraiment le meilleur ! Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? À cause du temps, on eut toutes les peines du monde à reprendre notre ascension. Mais on lâchait rien. J'ouvrais la marche lorsque la dernière ligne droite se présenta, plus escarpée et plus venteuse que tout le reste de notre parcours. Le vent était si violent qu'on avait l'impression de faire du surplace. Oh, c'est pas vrai ! Aïe ! En jetant un œil derrière moi, je vis Arthur à terre, son vélo étalé sur lui. Je me précipitais. Arthur, ça va ? Pas du tout ! Ma chaîne s'est cassée et je me suis méchamment fait mal aux mains en tombant ! Et moi, mon pneu est à nouveau à plat ! On aurait dû t'écouter, Iliès. On n'était pas à la hauteur. Au moins, on aura essayé. Ils abandonnaient ? Elle, la fonceuse, et lui, le zébulon ? Vraiment ? Je n'y croyais pas. Mon cœur s'embrasa. Hors de question. Mais tu vois bien qu'on peut plus rouler. Et alors ? On va terminer à pied. C'est pas sérieux. On ferait mieux de rentrer. À pied ? Au beau milieu de la nuit ? Tu crois que c'est sérieux, ça ? À quelques mètres, il y a le plus beau spectacle du monde qui nous attend. On n'a pas fait tout ça pour rien. T'as raison. Les yeux d'Arthur et de Lana retrouvèrent leur flamme. On poussa nos biclous en faisant de notre mieux pour ne pas se faire balloter dans tous les sens par le vent. Le sommet atteint, on s'écroula. On était tous épuisés mais heureux d'avoir vaincu le mont venteux. Au-dessus de nous, le ciel étoilé qui aurait dû être notre récompense était complètement bouché. Mais c'est pas vrai ! Le monde est contre nous ou quoi ? Oh, mamie n'a pas pu se tromper quand même ! Non, le mont Ventoux est vraiment connu pour chasser les nuages. Arthur avait à peine fini sa phrase qu'une bourrasque balaya à elle seule tous les nuages, révélant un splendide ciel étoilé. Là ! Regardez ! Une étoile filante ! Raté, c'est un avion. Là ! Et là ? Non, ça clignote. Ça doit être un satellite. Là ! Vous l'avez vu ? Oh oui ! Ce fut la première d'une longue série. Il y en avait que l'on apercevait le temps d'un battement de cils, d'autres que l'on pouvait suivre pendant une poignée de secondes. Certaines, plus paresseuses, prenaient tout leur temps. Elles avaient des reflets bleus, jaunes et parfois verts. Eh bien, elles en ont des choses à se dire, ces deux planètes. C'est ça d'être amoureuse. Par contre, je me demande comment elles font pour que le maître de l'univers ne voit pas qu'elles continuent à communiquer. Aucune idée. Arthur, tu sais ? Je suis sûre qu'il rêve de la Terre et de son amoureuse. Avec Lana, on dut voir une centaine d'étoiles messagères, avant de sombrer nous aussi dans les bras de Morphée. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.